Portia. Shylock, faites-moi voir votre contrat, je vous prie. Le voici, très révérend docteur, le voici. Shylock, on t'en faut pourtant ici trois fois ton argent. L'échéance est passée, certes, et légalement, avec ceci, le juif peut réclamer une livre de chair qui doit être coupée par lui tout près du cœur du marchand. Sois clément, prends trois fois ton argent et dis-moi de déchirer ce contrat. Quand il sera payé conformément à sa teneur, on voit que vous êtes un juge émérite, vous connaissez la loi. Votre exposition était péremptoire. Je vous somme, au nom de la loi, dont vous êtes le digne pilier, de procéder au jugement. Je jure sur mon âme qu'il est au pouvoir d'aucune langue humaine de m'ébranler. Je m'en tiens à mon contrat. Antonio, je supplie instamment la cour de rendre son jugement. Portia, eh bien, le voici. Antonio, il faut offrir votre poitrine à son couteau. Shylock, ô noble juge, ô excellent jeune homme. Portia, car la glose et l'esprit de la loi, agréés tout à fait, avaient la pénalité stipulée clairement dans ce contrat. Shylock, c'est très vrai. Ô juge sage et équitable, combien es-tu plus vieux que tu ne le parais? Portia Antonio, ainsi, mettez à nu votre sein. Shylock, oui, sa poitrine, le contrat le dit. N'est-ce pas, noble juge? Tout près de son cœur, ce sont les propres termes. Portia, exactement. Y a-t-il ici une balance pour peser la chair? Shylock, j'en ai une toute prête. Portia, ayez aussi un chirurgien à vos frais, Shylock, pour bander ses plaies et empêcher qu'il ne saigne jusqu'à mourir. Shylock, cela est-il spécifié dans le contrat? Portia, cela n'est pas exprimé, mais qu'importe. Il serait bon que vous le fissiez par charité. Shylock, je ne trouve pas. Ce n'est pas dit dans le billet. Portia Antonio, allons, marchand. Avez-vous quelque chose à dire? Peu de choses. Je suis armé et parfaitement préparé. Donnez-moi votre main, Bassagne. Adieu. Ne vous attristez pas si je suis réduit par vous à cette extrémité, car la fortune se montre en ce cas plus indulgente que de coutume. D'ordinaire, elle force le malheureux à survivre à son opulence et à contempler avec des yeux hâves et un front ridé un siècle de pauvreté. Elle me retranche les pénibles langueurs d'une pareille misère. Recommandez-moi à votre noble femme. Racontez-lui, dans toutes ces circonstances, la fin d'Antonio. Dites-lui combien je vous aimais. Rendez justice aux morts. Et quand l'histoire sera contée, qu'elle déclare, s'il n'est pas vrai, que Bassagne eut un ami. Ne vous repentez pas d'avoir perdu cet ami. Il ne se repent pas, lui, de payer votre dette. Car, pourvu que le juif coupe assez profondément, je vais la payer sur le champ de tout mon cœur. Bassagne. Antonio, je suis marié à une femme qui m'est aussi chère que ma vie même. Mais ma vie même, ma femme, le monde entier, ne sont pour moi plus précieux que ta vie. Je suis prêt à perdre tout, oui, à sacrifier tout, à ce démon que voici pour te sauver. Portia. Votre femme vous remercierait peu si elle vous entendait faire une pareille offre. Graciane. J'ai une femme que j'aime, je le jure. Eh bien, je voudrais qu'elle fût au ciel si elle pouvait décider quelque puissance à changer ce juif hargneux. Nerissa. Vous faites bien de le souhaiter en arrière d'elle. Autrement, ce vœu-là mettrait le trouble dans votre ménage. Shylock à part. Voilà bien ces époux chrétiens. J'ai une fille, plût à Dieu qu'elle eût un descendant de Barabbas pour mari plutôt qu'un chrétien. Oh, à Portia. Ne gaspillons le temps. Je t'en prie, procède à la sentence. Portia doit. Tu as droit à une livre de la chair de ce marchand. La cour te la juge et la loi te la donne. Shylock. Oh, le juge émérite. Portia. Et tu dois la couper de son sein. La loi le permet et la cour le concède. Oh, le savant juge. Voilà une sentence. Allons, préparez-vous. Portia. Arrête un peu. Ce n'est pas tout. Ce contrat-ci ne t'accorde pas une goutte de sang. Les termes exprès sont une livre de chair. Prends donc ce qui t'est dû, prends ta livre de chair, mais si, en la coupant, tu verses une seule goutte de sang chrétien, tes terres et tes biens sont, de par la loi de Venise, confisqués au profit de l'État de Venise. Graciane, oh juge émérite, attention, juif, oh le savant juge. Shylock, est-ce là la loi? Portia, tu verras toi-même le texte. Puisque tu réclames justice, sois sûr que tu obtiendras justice, plus même que tu ne le désires. » Gratiane. « Oh, le savant juge !»« Attention, juif !»« Oh, le savant juge !» Shylock. « Alors, j'accepte l'offre. Payez-moi 3 fois le billet et que le chrétien s'en aille. » Bassagne. « Voici l'argent. » Portia. « Doucement. Le juif aura justice complète. Doucement. Pas de hâte. Il n'aura rien que la pénalité prévue. » Ainsi, Shylock, prépare-toi à couper la chair. Ne verse pas de sang. Ne coupe ni plus ni moins, mais tout juste une livre de chair. Si tu en prends plus ou moins que la juste livre, si tu diminues ou augmentes le poids convenu, ne fût-ce que la 20e partie d'un seul pauvre grain, si même la balance incline de l'épaisseur d'un cheveu, tu meurs. Et tous tes biens sont confisqués. Qu'attends-tu, juif ? Juif ? Prends ce qui te revient. Donnez-moi mon principal et laissez-moi aller. Bassagne. Je l'ai là, tout prêt, prends-le. Portia. Il l'a refusé. En pleine cour, il n'aura que ce qui lui est dû en stricte justice. Quoi ? Je n'aurai pas même mon principal ? Tu n'auras rien que le dédit stipulé. Prends-le à tes risques et périls, juif. En ce cas, que le diable se charge du remboursement. Je ne resterai pas plus longtemps à discuter. Arrête, juif. La justice ne te lâche pas encore. Il est écrit, dans la loi de Venise, que s'il est prouvé qu'un étranger, par des manœuvres directes ou indirectes, attente à la vie d'un citoyen, la personne menacée saisira la moitié des biens du coupable. L'autre moitié rentrera dans la caisse spéciale de l'État. Et la vie de l'offenseur sera livrée à la merci du doge qui aura voix souveraine. Or, je dis que tu te trouves dans le cas prévu, car il est établi, par preuve manifeste, qu'indirectement, et même directement, tu as attenté à la vie même du défendant, et tu as encouru la peine que je viens de mentionner. À genoux, donc, et implore la merci du juge.